Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le château Frontenac. Moi, je dis souvent que c'est le château des Québécois. Hein? C'est notre château. Hein? Donc, on fait tous partie du château Frontenac. Et souvent, je dis aussi que c'est plus qu'un hôtel. Le directeur général du château Frontenac, Robert Mercure, à l'émission Médium Large du 2 janvier 2018, bien plus qu'un hôtel, le château Frontenac est effectivement devenu l'emblème d'une ville, la ville de Québec, et si Nice a son Negresco et Marrakech sa Mamounia, Québec peut s'enorgueillir d'avoir son château Frontenac. Et comme tous les grands hôtels du monde, évidemment, le château Frontenac a su attirer au fil du temps son lot de célébrités et de personnalités politiques. Certains premiers ministres du Québec y ont même résidé. Mais plus encore, l'histoire du château Frontenac est intimement liée au destin de Québec et d'une certaine manière aussi à celui du monde libre grâce aux conférences historiques qui vont s'y tenir en 1943 et en 1944. Il y avait des gens ici qui possédaient ce métier-là d'une façon extraordinaire. Il y avait un nommé Gérard Letellier que tout le monde appelait Peton, qui était un surnom. Un bonhomme extraordinaire qui avait une personnalité très attachante puis qui avait une connaissance de son métier d'une façon superbe. Gérard Letellier, c'était le garçon de table des grandes occasions. Il a connu des vieux clients de l'hôtel. Il était ici justement durant la fameuse conférence, conférence de Québec. Sur l'hymne du château Frontenac, une œuvre qui a été composée par le pianiste Steve Barakat à l'occasion du 125e anniversaire du château Frontenac, interprétée en première mondiale, cet hymne, par l'Orchestre symphonique de Québec le 13 avril 2018. Vous entendiez donc sur cet hymne le témoignage de Claude Hamel, qui a travaillé 22 ans au château Frontenac, dans un extrait de l'émission « Les grands hôtels » diffusé en 1983. Pour nous raconter la petite histoire de ce grand hôtel, le château Frontenac, j'accueille l'historienne Catherine Ferland. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. C'est vrai que l'histoire du château Frontenac, elle est intimement liée à l'histoire de Québec. Quelle importance a le château dans l'histoire de la ville et dans, je dirais, dans la vie sociale et politique de Québec? Bien, je dirais, Jacques, d'abord que dans la mesure où le château, son emplacement n'est pas du tout anodin, hein, donc il s'inscrit dans une continuité de lieu de pouvoir. C'est vraiment, de par sa situation sur le Cap-au-Diamant, un emblème du bon goût, de la démonstration du pouvoir, de l'élite, finalement, de Québec. Donc, c'est vraiment dans cette continuité-là qu'il est tout à fait imbriqué dans le tissu urbain de la ville de Québec. C'est pas un hasard, on va y venir dans un instant, que cet hôtel, le château Frontenac qu'on connaît aujourd'hui, soit là où il est, sur le Cap-Diamant. C'est un emblème, je le disais aussi, mais c'est un édifice qui est très photographié, un des grands hôtels du monde. C'est l'emblème de Québec, littéralement. Absolument. Et c'est un des rares châteaux, dans l'essence même du mot château, qu'on trouve en Amérique du Nord, ce qui n'est pas rien. Donc, effectivement, c'est vraiment un emblème duquel on peut vraiment tous être un peu fiers en tant que Québécois, pas seulement de la ville de Québec, mais même du Québec aussi. Ouais. Et le tout Québec y a passé et continue d'y passer. Il y a la grande histoire qui s'y est jouée, comme plein, un million de petites histoires dont vous vous doutez bien et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Parlons de la grande histoire. L'histoire du château Frontenac commence comme telle en 1892, mais vous l'avez évoqué bien avant la construction du château. Le Cap-Diamant sur lequel il est accueille déjà un premier château, ou en tout cas une manière de château à l'origine, comme le raconte, vous allez voir, Jacques Folcribas à l'émission « La mémoire des lieux » en 1988. Dès 1685, au moment de son arrivée à Québec, le gouverneur de Nonville parlait dans une lettre au ministre du mal nommé Château Saint-Louis, construit en bois, tombant en ruine, exposé à être détruit par le feu d'un instant à l'autre. Et 7 ans plus tard, donc en 1692, le gouverneur Frontenac écrivait à son tour ceci. Les murailles de l'enceinte du fort menacent ruine et sont sans défense, flanc ni parapet. Ce ne sera pas sans besoin qu'on construira un nouveau corps de logis et je serai bien heureux de pouvoir attendre qu'il soit achevé sans être accablé sous les ruines de l'ancien. Enfin, en 1694, le vieux château Saint-Louis, qui avait été édifié par M. de Montmagny, fut démoli, alors cette fois jusqu'au fondement. Et on commença aussitôt, sur les anciennes bases, la construction d'un vaste bâtiment à 2 étages, avec 2 avant-corps, faisant légèrement saillie du côté du fleuve, et 3 avant-corps aux angles et au centre, donnant sur une cour intérieure. M. de Frontenac avait près de 75 ans. Pourtant, c'est lui-même qui dirigea les travaux de reconstruction. Quelle fonction, quelle importance a donc, Catherine Ferland, le château Saint-Louis au moment où il est construit au milieu du 17e siècle? En fait, c'est vraiment sous l'impulsion du gouverneur Charles Huot de Montmagny en 1648 qu'on édifie un premier fort. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, c'est pas tant un château qu'un fort militaire. Ouais. Donc, évidemment, c'est un lieu de pouvoir, mais c'est pas encore ce que ça va devenir plus tard, donc un lieu de prestige. C'est d'abord une position, une position stratégique. Forte, exactement, parce qu'il faut se figurer quand on se trouve à cet endroit-là, on voit le fleuve, mon Dieu, à des milles à la ronde. Hein? Ouais. On a vraiment une vue imprenable sur l'estuaire du Saint-Laurent. On voit très, très loin sur la côte du Sud également. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue stratégique, le meilleur endroit où installer un fort. Mais par la suite, justement, en raison du fait que le gouverneur y résidait aussi, ça va prendre progressivement une fonction de château et on va finir par l'appeler château. Et effectivement, comme on l'a entendu dans l'extrait, bon, après une 50aine d'années, ça tombe un peu en ruine, tout ça. Donc, il faut lui donner l'allure d'un château et d'une résidence de gouverneur. Après tout, le gouverneur, c'est vraiment la personne qui vient incarner la présence du roi ici. Alors, il ne faut pas le loger dans un taudis quand même. Et c'est le haut lieu, ça va devenir le haut lieu du pouvoir de la bonne société québécoise de l'époque. Oui, et de la diplomatie également. Oui. Donc, quand il y a des rencontres protocolaires diplomatiques, c'est effectivement au château Saint-Louis que ça va se passer. Et le château doit donc montrer un luxe et disons un faste qui va servir cette cause-là, qui va servir la cause royale. Donc oui, dès le milieu du 17e siècle, mais surtout à partir du 18e siècle, on va avoir vraiment un vrai château qui va siéger sur ce promontoire-là qui est le Cap aux Diamants. Et qu'est-ce qu'il devient, ce fameux château Saint-Louis, après la conquête sous le régime anglais? C'est là que c'est intéressant, Jacques, parce que voyez-vous, cette fonction va continuer au régime anglais. Les gouverneurs anglais, britanniques, vont s'installer dans le château Saint-Louis et vont tout simplement perpétuer ce lieu-là comme étant le lieu de pouvoir de Québec et même de l'Amérique du Nord britannique. Donc, c'est l'endroit où on reçoit, c'est l'endroit où se passent toutes les grandes fêtes, où on va célébrer, par exemple, l'anniversaire de la reine, du roi. Les naissances royales vont être marquées par des feux d'artifice magnifiques sur la promenade. Et il va y avoir de grandes, grandes réceptions. La presse écrite dès les années 1790 en parle abondamment là, de ce lieu comme ça de rencontre sociale. C'est un lieu de rencontre intéressant aussi entre deux cultures parce que les Anglais continuent à investir ce lieu-là qui avait d'abord été donc le lieu du pouvoir colonial français. Mais on voit bien que sous le régime anglais, les traditions des deux grandes cultures se rencontrent de manière très concrète au château Saint-Louis. Ah oui, absolument. J'ai trouvé des menus, par exemple, de soirées où on va manger à la fois des mets très typiquement français, des escargots, par exemple, mais aussi du roast beef. On va avoir des contredanses anglaises avec du menuet français. On va avoir comme ça ce mélange. C'est vraiment, bon, je dirais pas œcuménique, mais on a vraiment un creuset là, culturel extrêmement intéressant de l'élite. Donc, élite tous horizons confondus, d'ailleurs. Et c'est là, d'ailleurs, que la grande bourgeoisie va amener ses filles et ses fils se faire présenter à la petite cour du gouverneur britannique pour essayer justement d'arranger des mariages. Donc, il y a vraiment un bouillonnement culturel très, très intense au château Saint-Louis à Québec. Mais tout ça va se perdre. Éventuellement, ce château va disparaître, va devenir une ruine. Il y aura un deuxième château, d'ailleurs, le château Haldimand, qui va être construit à côté. Mais tout ça, avec le temps, va disparaître. Ce qui nous amène à la fin du 19e et au début, comme tel, de cette histoire du château Frontenac. C'est à la fin du 19e que le propriétaire, le grand patron du Canadien Pacifique, William Van Horn, décide qu'il veut construire un hôtel de luxe sur le Cap Diamant. Pourquoi? Pourquoi il se lance dans cette aventure? Pourquoi là? Bien, justement parce que c'est un lieu qui est clairement identifié dans la tête de tout le monde comme étant le lieu du prestige par excellence à Québec. Et il faut comprendre que William Van Horn, en étant à la tête de Canadien Pacifique, veut établir des hôtels de luxe dans les grandes capitales d'Amérique du Nord, dans les grandes capitales canadiennes, en respectant, disons, ce code de luxe et de prestige. Et évidemment, ça tombe tout de suite dans sa mire. C'est un endroit magnifique. On en parlait tout à l'heure. C'est un endroit d'où on a une vue exceptionnelle. Donc, on s'est dit, ben voilà l'endroit tout désigné pour accueillir ce nouvel hôtel. Et c'est resté, même après la disparition du Château Saint-Louis, du Château Haldimand, les Québécois s'y rendent. Là, c'est une promenade. Oui. On va se promener là. On avait construit une première terrasse par-dessus les ruines du Château Saint-Louis, qui avait brûlé en 1834. Donc, vraiment, c'est un endroit que les gens fréquentaient déjà. Oui. Et c'est très associé aussi à l'essor du tourisme. Donc, le phénomène du tourisme au Québec naît vraiment à la faveur, comme ça, de ces grandes... Bon, de l'arrivée du chemin de fer, évidemment, mais aussi d'un intérêt très prononcé pour tout ce qui est lieux pittoresques, lieux magnifiques et grands paysages, grands espaces. Donc, Québec entre tout à fait dans cette catégorie. D'autant que Québec, et Van Horn le comprend bien, lui, il y a un chemin de fer qu'il doit alimenter de passagers. Donc, il construit des hôtels tout au cours de... qui longe, en fait, ce long chemin de fer transcanadien. Et le début de ce chemin de fer-là, en quelque sorte, c'est Québec, la porte d'entrée. Les bateaux arrivent à Québec. Stratégiquement, pour lui, c'est normal qu'il y ait un gros hôtel très luxueux à tout Québec. Tout à fait. Parce que c'est un terminal, comme vous venez de le dire, qui est aussi portuaire. Donc, c'est vraiment un endroit où ça se passe. Ouais. Au 19e siècle et au début du 20e, Québec, c'est vraiment un endroit où ça se passe. Donc, pourquoi un château? Pourquoi il décide, Van Horn, de se lancer dans une architecture comme celle-là? Bien, je dirais que c'est un intérêt, il semblerait, très personnel de William Van Horn, qui affectionne le style château. Donc, pour des raisons esthétiques qui lui sont propres, c'est une architecture qu'il aime beaucoup. On voit d'ailleurs qu'il va avoir envie de travailler avec l'architecte Bruce Price, qui a déjà cette expertise qu'il a commencé à développer autour de certaines gares ferroviaires. Et donc, en allant chercher cet architecte-là, Van Horn va vraiment, disons, cristalliser une idée esthétique qu'il a pour ses nouveaux châteaux. Donc, on va chercher quelqu'un qui a envie de travailler avec des tourelles, avec des matériaux nobles, avec des toits, avec des dispositifs très pentus. Ouais. Donc, toute cette ornementation-là va tout à fait aller dans le sens esthétique que voulait William Van Horn. Ouais. Ça ouvre ce château Frontenac, ce grand hôtel de Québec, en 1880. À quoi il ressemble? Quand on entre à l'intérieur du château, ça ressemble à quoi, le château de 1893? On a vraiment déjà cette idée de luxe qui est perpétuée. On a tenté par tous les moyens possibles, par exemple dans l'architecture, mais aussi dans la décoration, de rappeler, évidemment, l'empreinte française de Frontenac. Évidemment, Frontenac n'y a jamais résidé lui-même, malgré ce que certains guides touristiques peuvent encore en dire de nos jours. Mais disons qu'il y a cette idée qui est rappelée très, très fortement par toutes sortes de dispositifs. Par exemple, son monogramme qu'on va retrouver, le F avec des petits entrelacs, des fleurs de lys et tout ça. Donc, ce sont vraiment des moyens par lesquels on évoque la noblesse, le fait qu'il s'agissait d'un comte aussi. Donc, on va chercher une armoirie qui rappelle celle des comtes de France. Et par ces moyens-là, on va vraiment créer une aura luxueuse. Donc, quand le client se présente pour la première fois en 1893 dans le château, l'impression qu'on veut qu'il ait, c'est « wow ». Il faut que ça soit éblouissant. Il faut qu'on ait tout de suite cette image de luxe qui nous transperce. Et cette touche française, oui, évidemment. Exactement. D'où le choix de cette figure de Frontenac. Il y a quoi, à peu près 170 chambres au début? Oui. Quelques suites? Quelques suites. Ce sont des suites. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va vraiment avoir, par exemple, une suite habitant avec un décor vraiment inspiré de l'artisanat canadien-français, des catalogues, des armoires à pointe de diamant. On va vraiment chercher dans la dimension terroir pour meubler cette suite-là. Mais on a aussi une suite hollandaise, avec des tuiles de Delft, de l'ameublement, des tableaux flamands, bon, dont on rappelle un petit peu les origines de la famille Van Horn. Oui. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un beau clin d'œil aussi. Et par toutes ces chambres, ces suites-là, bien, on est capable d'accommoder quand même pas mal de monde. Dès le début, on a vraiment, dès le premier mois, plusieurs centaines de clients qui vont se bousculer pour venir essayer ce nouvel hôtel. C'est un succès instantané, en fait. Ah oui. Par exemple, le tout premier été d'opération, là, au mois d'août 1894, c'est pratiquement 3000 personnes là, qui vont fréquenter le château pendant un seul mois. Donc, c'est vraiment, on peut le dire, un beau succès. Les gens sont attirés par le cachet de Québec, par la fraîcheur aussi, parce que, bon, pour plein de... Ce sont beaucoup des visiteurs qui viennent des États-Unis. Oui. Hein, ça, c'est important de le préciser. Donc, ces gens-là fuient un peu la chaleur accablante des États-Unis pour venir se réfugier dans un climat jugé plus agréable, celui de Québec. Encore une fois, avec cette touche française, européenne que cherchent ces Américains. Il y a une chose qui, très, très vite, va faire partie de l'histoire du château, c'est l'expérience de la table. Évidemment, on veut attirer une clientèle de marque, une clientèle haut de gamme. On veut que ces gens-là viennent visiter le château, y séjourner, mais y manger aussi. Et le château va être important dans l'évolution de l'art de la table chez nous, dans l'offre gastronomique, la qualité de l'offre gastronomique qui se fera et qui sera disponible chez nous. On écoute Jean Soulard, qui a été chef au château Frontenac pendant plus de 20 ans, parler à Hélène Raymond du défi que ça représente quand même de travailler dans une institution comme celle-là, extrait de l'émission Bien dans son assiette en avril 2013. C'est lourd à porter, la tradition du château Frontenac? Ah oui, mon Dieu, oui, vous avez 100 ans, je veux dire. J'ai une photo ici, la brigade 1910 du château. Ils étaient moins nombreux. Ah, ils étaient, oui, mais il y avait seulement 200 chambres, OK, ou quelque chose comme ça, 150, OK, on est rendu à 620. Oui, c'était lourd. Il fallait remettre les choses comme on les sentait, avec la nouvelle philosophie de ce temps-là. Et puis ça se fait petit à petit, vous arrivez à bouger les choses et vous arrivez à mettre votre empreinte à l'intérieur, puis à emmener l'équipe avec vous. Oui. Est-ce qu'on était une époque de pionniers? Tout à fait. Et là, je ne suis pas tout seul. On est quelques-uns dans la ville de Québec, mais Montréal, d'un seul coup, on dit à celui qui nous amène nos légumes, c'est bien beau les choux-fleurs et les brocolis, mais je suis sûr que tu étais capable de faire autre chose comme légumes. Et ça se fait par petits pas. Oui, bien sûr, le maraîcher, mais aussi le marchand de fromage, le marchand d'agneaux. Et on se souvient tous les produits. Et ça a été une époque fabuleuse. Quelle importance a eu le château et un chef comme Jean Soulard, par exemple, Catherine Ferland, dans l'offre gastronomique, dans l'évolution aussi de l'art de la table chez nous? Je dirais qu'il y a vraiment une marque très importante qui a été amenée, notamment par Jean Soulard, au niveau de ce souci d'utiliser des produits de proximité. Ouais. Donc, on l'entendait dans l'extrait, le fait de connaître pratiquement personnellement le marchand d'agneau, le marchand de fromage. Donc, ce souci d'aller chercher des aliments dans un rayon très rapproché de Québec, ou en tout cas de la région de Québec, si possible même du Québec, donc vient, disons, conforter cette image-là du château de haute gastronomie, parce qu'on le sait très bien, particulièrement dans les dernières années, la volonté de créer une gastronomie typiquement québécoise, oui, s'est de plus en plus affirmée, on le sait, sur la scène gastronomique. Donc, ce souci de créer quelque chose qui soit typiquement canadien-français, non, mais québécois, oui. Et ce souci-là, je l'ai vu quand même chez les chefs antérieurs. Donc, dès le début du 20e siècle, on avait des menus où on mettait de l'avant des produits du terroir, oui, en indiquant, par exemple, du canard du Cap-Rouge ou de la poularde de Charlebourg, des légumes qui venaient de tel ou tel marché. Donc, ça, c'est intéressant, mais vraiment l'accentuation là, oui, qui est mise autour des produits de proximité, ça, c'est typiquement de la fin du 20e siècle. Exact. Et Soulard n'était pas le seul. Il l'a dit, on a été pionniers, mais on n'était pas tout seul. Les chefs de partout dans le monde, ici mais ailleurs, ont décidé qu'il fallait se tourner vers ce terroir, le mettre en valeur, travailler avec les artisans, développer cette proximité avec les maraîchers, avec les fromagers, etc. Il y avait au château, il y a des traditions au-delà de... Bon, de grands chefs vont y travailler, mais il y a autour de Noël, des grands dîners. Ça fait partie, la table du château, de la vie culturelle et sociale de Québec. Absolument. De grands buffets. Et là, il faut vraiment s'imaginer des buffets, mais au sens le plus fastueux et le plus démesuré qui soit. Ce sont de grands banquets où est-ce qu'on va pouvoir aller se servir soi-même, certes, mais les mets sont tellement raffinés. Et c'est surtout une occasion d'initier la clientèle du château Frontenac à toute une variété de mets. Évidemment, au départ, on puise beaucoup dans le répertoire culinaire gastronomique européen. Oui. Hein, donc là, on est plutôt dans les trucs à la française, à l'espagnole, à l'italienne. Mais assez rapidement, on va tenter d'ouvrir les horizons et de créer quelque chose qui soit plus spécifique. Puis il y a des défilés de pièces montées. Ah, les oui. gens sont habillés à la manière avec des costumes d'époque. C'est un peu ça. En certaines occasions, oui. On fait un banquet ordre de bon temps. C'est vraiment l'occasion d'expérimenter beaucoup de choses. Oui. Je le disais au tout début de l'émission, évidemment, comme tous les grands hôtels du monde, le château Frontenac va défiler en ses murs son lot de personnalités politiques, célébrités du monde des arts, têtes couronnées. Décrivez-nous en quelques secondes, Catherine Ferland, cette galerie qui va défiler justement au fil du temps au château Frontenac. C'est certain que ça serait très long d'énumérer tout ça, mais disons que tout ce qu'il y a de souverains européens, britanniques, bon, la famille royale anglaise, évidemment, les princes et princesses du Japon, le roi, la reine de Siam ont été reçus, tous les dignitaires, parce que ce qu'il faut qu'on comprendre, c'est que le château fait un peu office de palais de l'Élysée. Mm-hmm. Hein, donc, on n'a pas de grande résidence officielle pour accueillir les dignitaires étrangers. Le château vient un peu en relais de ça. Donc, c'est à la fois la vitrine gastronomique du Québec, mais c'est aussi l'endroit où recevoir. Ouais. C'est vraiment cette fonction-là qui est mise de l'avant. Puis évidemment, puisqu'on est dans cette fonction plus diplomatique et politique, il y aura ces deux grandes conférences. Oui. On ne peut pas faire une émission sur le château Frontenac sans parler des grandes conférences de Québec de 43 et 44. At the beginning of July, I began to feel the need... Au début du mois de juillet de cette année, j'ai senti la nécessité d'avoir des entretiens avec le président Roosevelt et les états-majors de nos deux nations. Of our joint staff. We were all delighted. Et j'ai été très content lorsque M. Roosevelt a suggéré la ville de Québec comme siège à cette conférence. Lorsque la ville de Québec a été choisie et que le gouvernement du Canada et Son Excellence le comte d'Athlone, gouverneur général, nous ont offert cette hospitalité, nous avons immédiatement accepté. Offered us their princely hospitality. Certainly, no more fitting and splendid setting. Nul autre endroit plus merveilleux pouvait être choisi pour la réunion de ceux qui ont à cœur le triomphe du droit et de la justice. Et pendant plusieurs jours, au château Frontenac, sur les remparts de la citadelle, nous avons conféré sur la guerre et sur la paix. In the château Frontenac and the ramparts of the citadel of Quebec, from the midst of which I speak to you now. Le premier ministre britannique Winston Churchill à la conférence de Québec en 1943, quelle importance auront ces conférences de Québec de 43 et de 44 dans l'histoire du château, mais plus largement dans l'histoire tout court, Catherine Ferland? En fait, ce sont vraiment des conférences qui vont contribuer à mettre Québec, à positionner Québec comme un endroit où on peut tenir ce genre de choses. Et ça, c'est pas anodin, Jacques, parce que vraiment, jusqu'alors, Québec, bon, ça avait été naturellement une capitale et tout ça, mais de le considérer au plan mondial mm-hmm. comme un endroit stratégique, hein, on est près des États-Unis, on est dans une zone libre, on est dans une zone facilement accessible aussi pour les Européens, de considérer Québec vraiment de ce point de vue-là, c'est tout nouveau et ça va vraiment influer toutes les décennies qui vont suivre, ouais. parce que par la suite, on va avoir de grandes rencontres internationales qui vont s'y tenir. Et on peut penser que c'est grâce aux conférences de Québec qu'on a mis la table, finalement, pour tout ce qui va suivre. Aujourd'hui, Catherine Ferland, quelle place occupe le château Frontenac dans la vie de Québec et de ses habitants? Le mot qui me vient, c'est icône. C'est une icône avec sa tour, avec son allure. C'est une icône de Québec, du Québec aussi. C'est souvent le premier monument d'envergure que les touristes vont apercevoir et qui va rester finalement dans ce qu'ils vont se rappeler du Québec. C'est aussi un endroit d'où on vient de très loin. Des gens viennent de Corée, de Chine, du Japon, se marier à Québec, au château Frontenac. Donc, c'est vraiment une destination. Et pour les gens de Québec, il y a un fort attachement. Le directeur Robert Mercure le disait bien au début, c'est le château des Québécois. Oui. On a un attachement très, très privilégié avec le château qui, peut-être sous son ombre bienveillante, continue de veiller gentiment sur les gens de Québec. C'est comme une place forte, mm-hmm. une espèce d'endroit rassurant. Où qu'on soit dans la ville, on tourne le regard et on aperçoit le château, on sait où on est. Donc, il y a vraiment une fonction de repère social, repère géographique qui est fabuleuse. Catherine Ferland, historienne, habituée de l'émission, merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'était un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.